En italien, si vous voulez poser une question, il suffit de changer l'intonation et de faire monter votre voix à la fin de la phrase. Donc, par exemple, si au lieu d'affirmer « è possibile per lei », vous voulez demander « est-ce que ça vous est possible ?» mot à mot, « c'est possible pour vous ?» Comment diriez-vous ça ?« È possibile per lei ?»« È possibile per lei ?» Oui, tout à fait. Et « cela ne vous est-il pas possible ?» mot à mot en italien, « ce n'est pas possible pour vous ?» Non è possibile per lei? Oui, très bien. Non è possibile per lei. Pour dire pourquoi, en italien, on dit perché. P-E-R-C-H-E accent aigu. Perché. Per veut dire pour. Che veut dire quoi. Perché veut dire pourquoi. Perché s'emploie aussi pour dire « parce que ». Alors, comment dit-on « pourquoi est-ce que ce n'est pas possible pour vous ?» Perché non è possibile per lei ? C'est ça. Perché non è possibile per lei ? Il y a un petit mot très utile en italien pour dire « comme ça » ou « de cette façon ». Ainsi, c'est le mot « così ». Ça s'écrit « c-o-s-i » et il y a un accent grave sur le « i ».« Così » veut dire « comme ça ». Donc, « c'est comme ça » se dira « c'est comme ça ». Oh, « è così ». « È così », »,« è così ». Et « ce n'est pas comme ça ». Non è così. Non è così. Maintenant, dites-moi, ça ne m'est pas possible comme ça. Mot à mot en italien, ça n'est pas possible pour moi comme ça. Non è possibile per me così. Non è possibile per me così. Bien. Maintenant, si vous voulez dire « je suis désolé » ou « je regrette », vous direz « mi dispiace », le contraire de « mi piace », qui se traduit par « j'aime » ou « ça me plaît ».« Mi dispiace » signifie donc littéralement « ça me déplaît ».« Dispiace » veut dire « déplaît ».« Mi dispiace » me déplaît. Ou « ça me déplaît ». On emploie aussi cette expression pour s'excuser. Elle signifie alors « je suis désolée ». Voilà, c'est ça. « Ça me déplaît »,« je suis désolée », »,« je regrette », »,« mi dispiace ». La fin du mot s'écrit « a-c-e », mais se prononce « ace », parce que le « c » se prononce toujours « ch » devant un « e » ou un « i ». « Mi dispiace » est souvent suivi de « mais ». Je regrette, mais... Mi dispiace, ma... Mais se dit tout simplement ma. M-A. Donc, je regrette, mais ça ne m'est pas possible comme ça. Ou, ce n'est pas possible pour moi comme ça, se dira. Mi dispiace. Mi dispiace. Mais ma non è possibile per me. Bien. Mi dispiace, ma non è possibile per me. Et comme ça? Oh, così. Oui. Mi dispiace, ma non è possibile per me così.